Les sons que j'entends ne sont jamais rien d'autre que ces mots que j'attends, que tu me murmures enfin. La douceur de ta voix est une de mes faiblesses que je n'avouerai pas avant que ma colère ne cesse. Que n'y a déjà une de tes tristesses, je ne saurais sûrement pas te consoler, en sachant que mon cœur est déjà en détresse. Je ne voudrais surtout pas tout gâcher. J'ai l'espérance que nous deux c'est possible. J'ai la souffrance de te voir avec lui et ce silence qui me rend impassible. Tenter ma chance avant que ce ne soit fini. Et souvent je redoute quand parfois tu t'absentes pendant des heures, des centaines de minutes sans fin. Le milieu de ta voix est une de mes faiblesses que je n'oublierai pas avant que ma colère ne cesse. Je sais que je ne comprendrai jamais cette peine, je sais que je ne pourrai jamais oublier cette même odeur, toutes ces scènes. Je ne voudrais surtout pas tout gâcher. J'ai l'espérance que nous deux c'est possible. J'ai la souffrance de te voir avec lui et ce silence qui me rend impassible. Tenter ma chance avant que ce ne soit fini. Que j'entends ne sont jamais rien d'autre que ces mots que j'attends que tu me murmures enfin. J'ai l'espérance que nous deux c'est possible. J'ai la souffrance de te voir avec lui et ce silence qui me rend impassible. Tenter ma chance avant que ce ne soit fini. J'ai l'espérance, j'ai la souffrance et ce silence. Tenter ma chance. J'ai l'espérance que nous deux c'est possible. J'ai la souffrance de te voir avec lui et ce silence qui me rend impassible. Tenter ma chance avant que ce ne soit fini.